Ce soir c'est triste sur ma Bretagne. Le ciel est gris, en plus il pleut. C'est l'hiver et comme il fait froid, alors ce soir j'ai fait du feu. Comme tu es un peu loin de moi, je n'ai rien trouvé à faire de mieux. À regarder des photos de toi, t'avais encore tes longs cheveux. Je plonge au fond de ma mémoire et tout me revient peu à peu. Ces souvenirs et ces histoires qu'on a partagées tous les deux. Comme tu es un peu en retard pour patienter encore un peu, j'ai pris dans mes bras ma guitare et je chantonne au coin du feu. Sur ma Bretagne, le ciel est gris, en plus il pleut. C'est l'hiver et comme il fait froid, alors ce soir j'ai fait du feu.